إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 34 dans la lecture du livre « Haqiqatul wala'i wal bara' fil kitab wa sunnah ». Et aujourd'hui on commence un nouveau chapitre et le chapitre s'intitule « Aqsam muwalat al kuffar wa annaha laysat ala darajatin » Wahida, c'est le chapitre 8, le principe 8, c'est-à-dire les catégories de mu'alat envers les kuffars, les catégories de mu'alat envers les kuffars et qu'elles ne sont pas toutes au même degré. Donc, ça c'est un cours qui est très important parce que ça nous aide à comprendre que c'est pas toutes les différentes formes de mu'alat qui sont nécessairement yani kufr, qui font sortir de l'islam quelqu'un. Et ça c'est important pour yani le fait que les khawarij, les gens de takfir, ils ne distinguent pas entre les différentes catégories, puisque ce sont des gens yani qui n'ont pas étudié avec les ulama, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de principe, et donc ils ne font que se référer à des paroles général des ulama et des versets généraux dans le Coran et des hadiths qui parlent de règles générales sans comprendre toutefois les conditions et les règles qui s'appliquent à ces différentes yani ces différents textes et donc ils ne savent pas comment les appliquer. Donc le fait de distinguer entre ces différentes formes yani de wala wal bara et de ces différentes catégories de mu'alat envers les kuffars et de savoir quand est-ce que c'est kufr, quand est-ce que c'est pas kufr, quand est-ce que ça fait sortir de l'islam, quand est-ce que ça fait pas sortir de l'islam, quand est-ce que c'est simplement un péché ou quand est-ce que c'est mubah, eh bien ça nous aide justement à nous préserver de l'extrémisme et de l'ignorance. Et yani, ça nous aide à rester sur le yani, la modération et sur la droiture. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va lire, on va commencer ce point, ce chapitre. Juste pour vous expliquer un peu comment se passe ou comment est divisé ce chapitre. Premièrement, il y a une introduction générale sur le sujet. Et ensuite, après l'introduction, qui est environ de la page 262 à la page 268. Donc c'est comme une introduction pour le sujet. Et ensuite, il y a la première catégorie. Donc la première catégorie de mu'alat. Et le cheikh, il le divise en trois catégories. Al-mu'alat al-kufriya, al-mu'alat المؤالات الفسقية يعني المعفو عنها c'est-à-dire la forme de موالات la catégorie qui est kufr l'autre catégorie qui est fisq c'est-à-dire qui est péché première c'est la mécréance, deuxième c'est qu'est-ce qui est péché dans Al-Mu'alat, et la troisième c'est qu'est-ce qui est excusé, qu'est-ce qui est pardonné. Donc c'est ça, c'est comme ça que le cheikh il l'a divisé. Et la plus longue partie, c'est la première partie, c'est de la page 268 à la page 272. Donc celle-là est quand même assez courte. Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui est plus détaillée, qui a plus de clarification, celle qui est fisqiya. Elle commence à la page 272 jusqu'à la page 291. Donc celle-là est plus longue. Puis ensuite, il y a la troisième catégorie qui commence à la page 291 et qui termine à la page 297. Ça c'est pour le chapitre 8. Donc, Inch'Allah, on va commencer tout de suite. Le cheikh Hussam ibn Abdullah al-Sinani, c'est l'auteur de ce livre « حقيقه الولاء والبراء في الكتاب والسنه بين تحريف الغالين وتاويل الجاهلين وبراءه دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الطائفتين » Et le livre il a été relu et préfacé par معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئه كبار العلماء وعضو اللجنه الدائمه للافتاء. Donc le cheikh Al-Fawzan il a relu et il a préfacé, et donc ça veut dire que quand même le livre a été relu par un des plus grands alim de notre époque. Le cheikh il commence en disant qassama ahlul ilmi rasikhuna mualat al-kuffar ila aqsamin kullun minha yakhtalifu anil akhar fil hukmi wa tanzilihi. وأصل هذا الحكم الشرعي يستند إلى قاعدة كلية خالف فيها أهل السنة طائفة الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، وهي أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر في مسلم أن يسمى كافرا. Donc le cheikh il commence en disant que les hommes de science qui sont fermement enracinés et ancrés dans leur science, ils ont divisé la question de mu'alat envers les kuffars en différentes catégories, et chacune de ces différentes catégories diffère de l'autre dans son verdict et dans sa façon de l'appliquer, dans la manière dont ce verdict-là s'applique. Et il dit qu'à la base, ce verdict de la charia repose sur une règle, le verdict par rapport à al-mu'alat envers les kuffars, et dans quelle catégorie ça se trouve, cette forme de mu'alat ou cette catégorie, ça repose sur une règle. Ça repose sur une règle, on pourrait dire une règle fondamentale dans la charia, une des règles fondamentales de la charia, et c'est une règle que les gens qui ont opposé la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a ont contredit, parmi les groupes des Khawarij, des Mu'tazila et de ceux qui ont suivi et qui ont été d'accord avec eux. Donc ces groupes-là qui ont opposé la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a ont contredit cette grande règle, et ce grand principe de la charia et de la aqidah. Et voici, le cheikh il dit que cette règle c'est quoi? C'est que le fait que quelqu'un possède en lui-même une branche parmi les branches de la mécréance, ça ne veut pas dire et ça n'implique pas que le musulman doit être appelé mécréant ou kafir à cause de ça. Si un musulman à une branche parmi les branches de la mécréance en lui, ça n'implique pas que ce musulman-là soit appelé kafir, mécréant. Et le cheikh, il explique qu'on va mentionner plein de paroles et plein de preuves à ce sujet. Donc, le cheikh, il commence et il dit « قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في رسالة لمن اشتبه عليه هذا الأمر في الدرر السنية » Il dit, le cheikh, « وَلَفْظُ الظُّلْمُ وَالْمَعْصِيَ وَالْفُسُوقُ وَالْفُجُورُ وَالْمُوَلَى وَالْمُعَادَى وَالرُّكُولُ والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة وقد يراد بها مطلق الحقيقة والأول هو الأصل عند الأصوليين والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. Donc le cheikh il explique, cheikh Abd al-Latif dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 1, à la page 470, il dit que les termes qui sont mentionnés dans la charia, comme Ad-Dhulm, Ad-Dhulm, l'injustice, Al-Ma'siya, la désobéissance, Al-Fusuq, le péché ou la perversité, Al-Fujur, c'est à peu près dans le même sens, les péchés, les désobéissances et la perversité, les choses de ce genre, ou bien al-mu'alat, fait d'aimer, de se rapprocher, de défendre, et al-mu'ada, fait de détester, de s'éloigner, de détester, d'opposer, d'avoir de l'animosité, et al-rukun, le fait de chercher le support, le fait de se reposer sur quelque chose ou quelqu'un. Wa shirk, le shirk, c'est-à-dire le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahwi zalik min al-alfaz al-warida, donc, et ainsi que tous les autres termes qui sont présents également dans le Coran et dans la Sunna, qui sont employés dans le Coran et dans la Sunna. Soit qu'on veuille dire en mentionnant ces termes sa réalité absolue, c'est-à-dire la réalité dans sa perfection, qu'est-ce que ça implique dans son sens total ou complet, ou soit qu'on veuille dire par là le minimum de sa réalité, le minimum de leur réalité. Et donc le cheikh il explique que La première, c'est-à-dire la réalité absolue de ces termes, c'est ce qui est accepté en général par rapport à ces termes-là, et c'est la base pour les gens de Usul, pour les savants de Usul, les savants qui étudient les fondements de la charia. Eux, lorsqu'ils trouvent, par exemple, lorsqu'ils voient ces termes, eh bien, ils les prennent dans leur sens absolu et complet. Donc, s'ils voient par exemple Zulm, Kofr, Masiya, Fujur, Mu'alat, Mu'adat, Shirk ou autre, ou bien par exemple Iman, Mu'min, Muttaqi, Taqwa, tous les termes qui sont utilisés dans la charia pour désigner la foi, la piété, l'obéissance, la désobéissance, la mécréance, le Shirk. Tous ces termes-là, ils ont un sens dans leur sens complet et absolu, et ils ont aussi une autre signification, ou bien plutôt une autre application qui se limite à un minimum dans la réalité, c'est-à-dire la perfection, puis le minimum de qu'est-ce qui est accepté dans ces réalités-là. Puis on va donner des exemples après pour aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et juste pour vous donner un exemple rapide comme ça, supposons que on parle de la foi. Donc on sait qu'il y a la foi complète, parfaite, telle que Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants dans la révélation, et ce sont ceux qui méritent le paradis, ceux qui appliquent les obligations et s'abstiennent des désobéissances, qui font ce qui est ordonné et qui s'écartent de ce qui est interdit. Ça, c'est les mu'minin, ça, c'est les croyants. Tandis que quelqu'un peut être croyant même s'il n'est pas, par exemple, à la perfection dans sa foi. Hein? Il est mu'min, mais sa foi va être plus faible, c'est-à-dire s'il fait des péchés et il y a des choses de ce genre. Donc c'est dans ce sens-là qu'on veut dire haqiqatul al-haqiqa al-mutlaqa ou mutlaq al-haqiqa. Donc quand on dit haqiqatul iman ou al-iman al-mutlaq ou mutlaq al-iman, c'est des termes qui sont employés comme ça. Ok, donc le premier sens, al-haqiqatul mutlaqa, la réalité absolue de ces termes, c'est chez les usuliyin, les savants de usul, les fondements de l'islam, de la sharia, usul al-fiqh. Et mutlaq al-haqiqa, le minimum de sa réalité, le cheikh dit on ne doit pas le prendre dans son sens minimal, excepté s'il y a un indice ou quelque chose dans dans le terme, quelque chose qui est relié à sa signification qui indique qu'on doit le prendre dans ce sens minimal. Donc il faut qu'il y ait une autre preuve, quelque chose, soit de la sunna, quelque chose dans les textes, soit du Coran ou de la sunna qui vient mentionner qu'on ne doit pas le prendre dans ce sens absolu, mais dans son sens minimal. Et le cheikh, il donne des exemples et des preuves. Il dit, « قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون واسم المؤمن وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي أو اسم نعم المؤمن والبر والتقي أو التقى يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ولا يدخلون في مثل قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ولكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره بل يطلق عليه اسم الإيمان ولا يكون كمن كفر بالله ورسوله وهذا هو الذي فهمه السلف. Donc on va lire qu'est-ce que le cheikh a expliqué ici. Donc le cheikh il mentionne des versets et il commence par le verset 4 dans Sourate Ibrahim. Et nous n'avons envoyé de messagers excepté avec la langue de son peuple pour qu'il leur explique, pour qu'il leur clarifie. Et le verset 43 à 44 dans Sourate An-Nahl. Et nous n'avons envoyé avant toi excepté des hommes auxquels nous avons révélé des choses, hein, auxquels nous avons donné des révélations. Hein. Alors demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux gens qui ont de la science, si vous ne savez pas, qui ont reçu les preuves et les livres. Et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies pour les hommes ce qui a été révélé sur eux et pour qu'ils puissent réfléchir. Donc, pour expliquer que yani, les messagers sont venus pour clarifier la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala les envoie avec une révélation et en même temps leur ordonne de clarifier cette révélation-là pour les hommes. Donc, s'il y a des termes dans la charia qui sont mentionnés, s'il y a des termes qui sont employés dans la révélation, dans le Coran, eh bien, il faut les ramener à la sunna pour les comprendre et pour les clarifier, puisque un des rôles du messager, c'est d'expliquer et de clarifier la révélation. Donc, le cheikh dit la même chose que ce qu'on a mentionné tout à l'heure pour les termes comme l'injustice, le péché, et ainsi de suite. La même chose peut être dite à propos des termes comme croyant, yani, vertueux, pieux, hein, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Le cheikh dit يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. Le cheikh il dit, on veut par ces termes, lorsqu'on les emploie pour dans leur sens absolu ou bien pour faire des éloges, pour glorifier quelqu'un ou faire son éloge, lorsqu'on dit de lui qu'il est pieux ou qu'il est mu'min dans la révélation. Hein, lorsqu'on qualifie quelqu'un dans la révélation de cette façon-là ou par ces termes-là, c'est une chose. Puis, on ne peut pas dire la même chose lorsque c'est le temps d'ordonner ou d'interdire quelque chose. Hein? C'est-à-dire que le cheikh il donne des exemples. Il dit, ne vois-tu pas que la personne, par exemple, qui fait le zina ou qui vole ou qui boit de l'alcool et ainsi de suite, ça c'est des musulmans qui font des péchés. Est-ce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat », est-ce que ces catégories-là n'entrent pas dans le fait de... Yani lorsqu'on dit par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh vous qui avez cru, levez-vous, lorsque vous vous levez pour la salat », la personne qui a fait l'adultère, elle ne rentre pas dans cet ordre? La personne qui vole, la personne qui boit de l'alcool, est-ce qu'il ne rentre pas dans cet ordre? Hein? Bien sûr qu'il rentre dans l'ordre. Hein? Même s'ils font des péchés, ou même s'ils ont fait des péchés. Eh bien, c'est ça ce que le cheikh explique. Il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, par exemple, de faire quelque chose, et qu'il nous appelle à le faire en nous appelant par la foi, lorsqu'il dit, « Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru », eh bien, on est tous appelés à mettre cet ordre en application et à le respecter. Hein? Peu importe qu'on soit un pieux ou que ce soit quelqu'un qui obéit à Allah dans le sens qu'il s'écarte des péchés, qui fait beaucoup d'efforts dans sa religion, ou bien qu'on soit quelqu'un qui est pécheur. Donc il mentionne cet exemple-là. Et il mentionne un autre exemple. « Oh, vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse, hein, comme ceux qui ont offensé Moussa, alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté de ce qu'ils avaient dit à son sujet, dans Surat al-Ahzab, le verset 69. Hein, et également, le verset 106, dans Surat al-Ma'ida, « Ya ayyuhallazina amanu, shahadatu bainikum. » Bon, ça c'est le verset 106 dans Surat al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh, vous qui avez cru, oh les croyants, quand la mort se présente à l'un d'entre vous, le testament sera attesté par deux hommes intègres d'entre vous. » Et ainsi de suite. Donc, ça c'est un autre exemple de verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants, hein, et ça peut impliquer le croyant, celui qui est obéissant dans le sens qu'il s'écarte des péchés, ou bien celui qui est croyant mais qui fait des péchés, c'est-à-dire donc celui qui a la foi faible. Mais dans d'autres versets, eh bien, ceux qui font des péchés ne sont pas, n'entrent pas dans la description. Comme par exemple dans le verset 15, dans Surat al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas douté, n'ont point douté. ou bien le verset 19 dans Surat al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: « Oh vous qui avez cru en Allah et en son messager, et ceux qui ont cru en Allah et en son messager, ceux-là sont les véridiques. Ulaika hum as-siddiqun. » Donc ça, ça implique clairement qu'on parle de ceux qui sont yani, sur la piété, sur la droiture, qui complètent les conditions yani, de ceux qui font des efforts dans leur foi et qui ont un niveau plus élevé de foi. Donc ça, c'est un exemple. Et il dit: وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ لِلسَّلَفِ تَرْكُ تَسْمِيَةِ الْفَاسِقِ بِسْمِ الْإِيمَانِ وَالْبِرُ. C'est ce qui a imposé aux salaf de ne pas nommer le pécheur, hein, celui qui fait des péchés ouvertement, par le terme de la foi ou de la bonté. Ou bien, qu'est-ce qui est mentionné également dans le hadith, comme le hadith, l'adultérin, celui qui fait l'adultère, au moment où il fait l'adultère, il n'est pas mu'min. Et celui qui boit de l'alcool, au moment où il la boit, il n'est pas mu'min. Hein, il ne boit pas de l'alcool tout en étant mu'min au moment où il le fait. De même que celui qui vole les biens des gens, eh bien, au moment où il le fait, il n'est pas mu'min. Hein. Donc, ça c'est un exemple. Et il dit: وَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنْ جَارَهُ بَوَائِقَهُ. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: celui qui n'épargne pas ou ne yani, celui dont son voisin n'est pas en sécurité ou épargné de ses péchés ou de son mal, eh bien il n'est pas un croyant. Celui qui n'épargne pas son voisin de son mal, il n'est pas croyant. Donc le cheikh il dit: لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره بل يطلق عليه اسم الإيمان ولا يكون كمن كفر بالله ورسوله. Donc il dit: le fait que la foi ici soit niée dans ces textes là, ça ne veut pas dire ou ça n'indique pas la mécréance de la personne, puisque le terme de la foi, il peut être employé dans son sens absolu, c'est-à-dire dans son sens pour désigner la perfection de la foi, ou bien la foi complète. Dans certains textes, quand on mentionne la foi, on parle de la foi complète, de la foi parfaite, lorsque elle est exempte de péché et qu'elle remplit toutes les actes d'obéissance. Et dans ce cas-là, celui dont on a nié la foi, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, dans le sens qu'il a mécru en Allah et en son messager. Hein, ça veut seulement dire qu'il n'a pas la foi complète ou parfaite, hein, qu'il a une foi qui est rabaissée ou diminuée ou incomplète. Donc, le cheikh, il explique, il dit, ça c'est la compréhension des salafs. C'est ça ce que les salafs ont compris de ces textes-là. Il dit ensuite: وَقَرَّرَهُ فِي بَابِ الرَّدِّ عَلَى الْخَوَارِجِ وَالْمُرْجِئَةِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَافْهَمْ هَذَا فَإِنَّهُ مَضَلَّةُ أَفْهَامٍ وَمَزَلَّةُ أَقْدَامٍ. هنا مزلة أقدام. وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق المعين كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة، ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار. نعم. Donc le cheikh explique. Il dit ici en ce qui concerne donc les salafs ont confirmé, ont établi lorsqu'ils ont réfuté les khawarij et les murji'a, hein, ainsi que les autres groupes parmi les groupes de la passion, les gens de la passion qui ont dévié dans ces questions-là. Ils ont fait comprendre que lorsqu'il y a dans certains textes la négation de la foi de quelqu'un qui a commis un péché, ça ne veut pas dire qu'il sort complètement de la foi, mais plutôt que sa foi a diminué et qu'il n'a pas la foi parfaite et complète, mais qu'il a une foi qui est diminuée et faible. C'est dans ce sens-là que les salafs l'ont pris, et ils ont mentionné les preuves de ça en mentionnant différents textes sur ce sujet-là, yani pour réfuter les khawarij et pour réfuter les murji'a. Puisque à la base, les murji'a et les khawarij sont tombés dans un égarement qui est la même, dans leur erreur fondamentale. C'est pour ça qu'entre les khawarij et les murji'a, il y a un lien très proche. Hein. Et beaucoup d'entre les salafs ont dit que les murji'a, en fait, ce sont les khawarij. Les murji'a, en réalité, ce sont les khawarij. Hein, puisqu'ils ont la même conception par rapport à la foi. Yani, ils considèrent que la foi, c'est un seul bloc. Hein, un seul bloc. Si tu en perds une partie, tu perds tout. Et les murji'a, eux, c'est le contraire. Ils ont dit, si tu l'as, eh bien, une fois que tu l'as, ben, tu ne peux pas la perdre, à moins que tu perds tout. Hein? Mais si, en étant que tu l'as au complet. Et que peu importe les péchés que tu fais, ben, ça ne le fait pas diminuer. Hein? Donc ça, c'est pour dire qu'à la base, ils considèrent tous les deux la foi comme étant un bloc qui ne peut pas se diviser. Tandis que Ahl al-Sunnah wal Jama'a, eh bien, il voit la foi comme étant quelque chose qui peut diminuer ou augmenter. Hein? Et, et également, les actions, ils considèrent que ça fait partie de la foi. Tandis que les murji'a, ils ne considèrent pas ça. Et les khawarij, eux, eh bien, ils considèrent que les actions font partie de la foi, sauf que si tu en perds une partie, ou si tu fais des péchés, eh bien, tu la perds complètement. Tu la perds complètement. Donc, c'est des groupes qui ont dévié dans ces questions-là. Donc, le cheikh, il dit, alors comprends ça bien, parce que c'est une question qui a fait dévier beaucoup de personnes dans leur compréhension, et c'est un point et un sujet qui a fait glisser beaucoup de gens dans l'égarement. En ce qui concerne maintenant de parler de l'application de la menace pour certains péchés et certains grands péchés qui sont mentionnés dans les textes de la révélation. Hein? Par exemple, il y a des textes dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que celui qui fait tel ou tel péché, il ne rentrera pas au paradis. Ou bien il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ou bien celui qui fait tel péché, il va aller en enfer. Donc ça, c'est des textes, il y a des textes comme ça. Hein? Eh bien, le cheikh, il explique que le fait d'appliquer les menaces qui sont mentionnées par rapport à certains péchés, il faut savoir que il peut y avoir des empêchements par rapport à un individu, pour que cette menace-là soit mise en application contre la personne qui a commis ce péché-là en particulier. Comme par exemple, le fait d'aimer Allah et son messager, ou le fait de lutter dans le sentier d'Allah, ou le fait d'avoir des bonnes œuvres qui pèsent plus lourd que les péchés que la personne a commis, et donc, à cause de ça, la personne est épargnée de cette menace au jour de la résurrection. Ou bien également le pardon d'Allah ainsi que sa miséricorde. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala décide de lui pardonner et de lui faire miséricorde. Ou bien peut-être que il fera partie de ceux qui auront l'intercession des croyants en leur faveur au jour de la résurrection. Peut-être également que ils ont eu des malheurs dans leur vie, des difficultés ou des accidents ou des maladies qui ont fait en sorte que ils sont c'est-à-dire leurs péchés sont effacé à cause de ça, dans les trois demeures, c'est-à-dire, soit dans cette vie d'ici-bas, il a eu des malheurs, ou des maladies, ou des problèmes qui, par lesquels Allah a expié certains de ses péchés, ou bien dans la tombe, il a eu un châtiment qui a effacé certains de ses péchés à cause du châtiment qu'il a dans la tombe, ou bien également il est rentré en enfer et Allah subhanahu wa ta'ala, par un châtiment qu'il lui donne dans l'enfer pour un certain temps, Allah lui pardonne et efface ses péchés à cause de, par ce châtiment-là, il le purifie. Donc ça c'est pour les gens du tawhid, bien entendu, ceux qui meurent alors qu'ils sont croyants. Ils n'ont pas commis de shirk, hein, même si, comme on dit, même s'ils rentrent en enfer, ils ne vont pas y demeurer éternellement. Donc ça, c'est pour cette catégorie-là. Et le cheikh, il dit, et de même que, et donc, pour ces raisons-là, on ne va pas témoigner pour quelqu'un en particulier qu'il fera partie des gens, pour quelqu'un en particulier parmi les gens de la Qibla, on ne dira pas qu'il est au paradis ou en enfer. Hein? Ça fait partie des principes, des fondements de Ahl Sunnah al-Jama'a, qu'on ne va pas dire à propos d'un musulman, lui il est au paradis ou lui il va en enfer. Hein? On ne va pas dire ça. Et de même qu'on ne va pas dire non plus un tel est martyr. Hein? On espère pour le pieux, puis on craint pour le pécheur. Mais on ne va pas dire qu'un tel est au paradis ou en enfer. Et donc, on sait pourquoi, parce que la menace, peut-être qu'il y a des choses qui vont empêcher que cette menace-là soit appliquée sur la personne. Ensuite, il dit, « وَأَطْلَقُوا الْوَعِيدِ كَمَا أَطْلَقَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةِ وَإِنْ أَطْلَقُوا الْوَعِيدِ كَمَا أَطْلَقَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةِ فَهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْعَامِ الْمُطْلَقِ وَالْخَاسِ الْمُقَيَّدِ وكان عبد الله ابن حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله مع أنه لعن الخمر لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاسرها ومعتصرها وحملها والمحمول إليه والمحمولة إليه حتى قال رحمه الله يعني فهو traduit cette partie. Le cheikh il explique que si les salaf ils mentionnent cette menace, ils la mentionnent de façon absolue telle qu'elle est mentionnée dans les textes. Mais ils font la différence et ils distinguent entre le général et qu'est-ce qui est restreint. Hein? Qu'est-ce qui est restreint et qu'est-ce qui est spécifique et qu'est-ce qui est restreint. Qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est absolu et qu'est-ce qui est spécifique et qu'est-ce qui est restreint. Et ils font, ils distinguent entre les deux. Comme par exemple Abdullah ibn Himar. Abdullah ibn Himar, il buvait de l'alcool. On l'a ramené au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et un homme l'a maudit. Il y a un parmi les sahabas qui l'a maudit. Et il a dit, celui-là, on l'amène, combien de fois on va l'amener au messager d'Allah? On l'amène beaucoup, on l'amène tout le temps. C'est-à-dire qu'on l'amène tout le temps au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour que la punition soit appliquée sur lui. Hein, la peine pour celui qui boit de l'alcool, qui est ivre. Donc, on lui donne des coups de fouet par rapport à la charia, puisque dans la charia, celui qu'on trouve en état d'ivresse, il est puni. Donc, cet homme a vu cette personne venir avec dans cet état-là et il l'a maudit. Hein, parce qu'il revenait à chaque fois dans cet état. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à celui qui l'a maudit, ne le maudit pas, car il aime Allah et son messager. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui boit de l'alcool, celui qui, yani, il a maudit l'alcool elle-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'alcool, a maudit celui qui la boit, celui qui la vend, celui qui yani, extrait le jus, hein, de, le, du fruit pour en faire du vin, et donc toutes les différentes étapes, hein, de celui qui produit de l'alcool, celui qui l'apporte, celui vers qui elle est apportée, hein, et ainsi de suite. Donc il y a 10 catégories de personnes qui ont été maudites dans l'alcool. Mais malgré ça, lorsque ce sahabi a dit que Allah le maudisse, ou bien qu'il soit maudit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ne le maudit pas, parce qu'il aime Allah et son messager. Donc c'est pour dire que peut-être que quelqu'un, dans le sens des textes généraux et dans leur sens absolu, rentre dans cette malédiction, mais dans l'application, dans son cas à lui particulier, ça ne s'applique pas, cette menace ou cette malédiction. Comme le cas de, yani, cet exemple qu'on vient de mentionner. Et il a dit, وَحَتَّى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ الْإِيمَانِ أَصْلٌ وَلَهُ شُعَبْ مُتَعَدِّدَةٌ كُلُّ شُعْبَةٍ مِنْهَا تُسَمَّ إِيمَانًا فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة منها ما يلحق بي أو يلحق بشعبة الشهادتين ويكون إليها أقرب ومنها ما يلحق بشعب إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه السلف وَأَئِمَّتُهَا. Donc, on va traduire cette partie. Le chef, il dit à la page 478, il dit que la foi à la base, elle est composée de différentes branches, hein, de plusieurs branches. Et chacune de ces branches, on les appelle une foi. On les appelle une foi. Et la plus haute, c'est la plus haute de ces branches, c'est le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est de retirer une nuisance du chemin. Lorsqu'il y a quelque chose qui nuit le chemin des gens, de le retirer du chemin. Et le cheikh explique que il y en a dans ces branches là il y en a des branches parmi les branches de la foi que si elle est enlevée, si elle part, eh bien la foi en entier va partir. Comme par exemple, et ça c'est selon le consensus, yani tous les savants sont d'accord sur ça, que si tu enlèves par exemple la branche du shahadatain, hein, de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eh bien là dans ce cas-là il n'y a plus de foi. Foi s'en va au complet. Et il y en a des éléments dans ces branches-là, par contre, il y en a aussi qui ne sont pas, peut-être, c'est-à-dire il y a d'autres éléments qui sont également dans cette catégorie, dans la catégorie de la branche de la ilaha illallah. C'est-à-dire que si tu les enlèves, eh bien, la foi s'en va au complet aussi. Hein? Il y en a des branches qui sont proches de cette branche-là. Et il y a aussi des branches que si tu les perds, si elles ne sont pas là, eh bien, ça n'enlève pas ta foi. Et ça ne va pas te faire perdre ta foi, tu ne vas pas sortir de l'islam. Comme par exemple, si par exemple tu enlèves, tu abandonnes ou tu cesses d'enlever les nuisances sur le chemin. Donc si tu n'as pas enlevé une branche ou quelque chose, si tu n'as pas enlevé quelque chose qui est sur un chemin et que tu n'as pas donc cette branche de la foi, eh bien, selon le consensus des savants de l'islam, tu ne vas pas sortir de la foi, tu ne vas pas devenir mécréant, tu ne vas pas quitter l'islam. Donc, le cheikh explique que entre ces deux branches, c'est-à-dire la branche la plus haute et la branche la plus basse, hein, la branche la plus haute qui est la ilaha illallah, et la branche la plus basse qui est d'enlever quelque chose qui nuit sur le chemin, eh bien, le cheikh explique que il y en a parmi ces branches-là que tu peux faire rejoindre avec la branche du témoignage de la ilaha illallah, qui est plus proche de la ilaha illallah, et il y en a d'autres branches que tu peux rallier à, par exemple, faire enlever une nuisance du chemin ou qui est plus proche de celle-ci. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, le fait de vouloir mettre toutes les branches à égalité, hein, et de les réunir toutes au même degré, au même niveau, ça c'est en contradiction avec les textes. Et c'est en contradiction à ce que suivaient les salafs de cette umma, de même que les imams de cette umma. Donc ils ne mettaient pas toutes les branches au même degré. Hein? Ils ne mettaient pas toutes les branches qui ont le même degré dans la religion, comme on l'a expliqué. Donc si quelqu'un, par exemple, n'a pas enlevé une nuisance qui est sur le chemin, eh bien, ça ne veut pas dire que il va sortir de la foi. Peut-être que c'est sûr que ça va faire diminuer sa foi. Sa foi va être moins complète que celui qui enlève quelque chose du chemin. Mais ça ne va pas enlever sa foi au complet et le faire sortir de l'islam. Donc ça, c'est important de le comprendre. Le cheikh, il dit ensuite, « Wa kadhalika al-kufr » aidan. ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان ولا يسوى بينهما فالأسماء والأحكام فلا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. Donc le cheikh explique, il dit la même chose pour la mécréance. Elle a aussi des branches. Elle a une base. La mécréance, elle a une base et elle a des branches. Donc de la même manière que فكما أن شعب الإيمان. Donc la même manière que les branches de la foi font partie de la foi. Hein, sont des éléments de foi, eh bien, les branches de mécréance sont des éléments de mécréance. Hein. Et donc, le cheikh, il dit que tous les différents péchés et les différentes désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala sont des branches de mécréance, de la mécréance, du kufr. Toutes les différentes désobéissances à Allah sont des branches de kufr. De la même manière que les obéissances à Allah sont toutes des branches de la foi. Les péchés sont des branches. Tous les péchés sont des branches parmi les branches de la mécréance et les actes d'obéissance sont des branches parmi les branches de la foi. Hein? Et on ne peut pas les mettre à égalité dans les noms et dans les règles. Hein, dans les noms et dans les règles de la religion. Parce que chacun, il a son degré et chacun, il a son niveau. Ensuite, il dit وَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةِ أَوْ الزَّكَاةِ أَوْ الصِّيَامِ أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ أو استهان بالمصحف وبين من يسرق أو من يسرق ويزني ويشرب أو ينهب أو صدر منه نوع موالاة كما جرى لحاطب فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة وخارج عن سبيل سلف الأمة وداخل في عموم أهل البدع والأهواء. انتهى كلامه. Donc le cheikh il termine en disant qu'il y a donc une différence entre celui qui abandonne la salat ou la zakat ou le jeûne ou qui associe avec Allah, hein, il fait le shirk avec Allah, ou bien qui manque de respect, hein, envers le mushaf, ou bien qui vole ou qui fait le zina, hein, ou bien qui boit de l'alcool ou qui vole, ou des choses de ce genre. Ça c'est des exemples. Puis il dit, et également il y a une différence aussi pour celui de chez qui on a vu se produire une forme de mu'alat, hein, une forme de mu'alat comme cela s'est passé pour Hatib, hein, Hatib, celui qui avait envoyé à Quraysh des informations au sujet de des intentions du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voulait partir pour la conquête de la Mecque. Il leur avait envoyé une information pour leur dire, hein, sauf que il l'a pas fait pour trahir son islam, trahir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a fait pour d'autres raisons et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a excusé. Donc il dit, donc celui, cheikh il dit, celui qui met à égalité toutes ces différentes branches dans la foi, et, hein, ces branches de la foi, il les met toutes à égalité dans les noms et dans les règles, ou bien qui met à égalité les branches de la mécréance, hein, les branches de la mécréance, c'est-à-dire la base de la mécréance, ou bien les différents péchés, il les met toutes à égalité, alors dans ce cas-là, il a contredit le Coran et la Sunna, et il est sorti de la voie des prédécesseurs de cette Ummah, des salafs de cette Ummah, et il est rentré dans, il fait maintenant partie de façon générale des gens de l'innovation et de la passion, des gens de Bid'ah et de Hawa. Donc ça c'est la fin de cette citation là. Na'am. Et le cheikh en note de bas de page, il explique que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il a élaboré là-dessus et il a détaillé et il a mentionné les différents péchés, les différentes catégories de péchés en 12 différentes catégories ou 12 espèces de péchés dans son livre Madarij al-Salikin, volume 1 à la page 335. Donc le cheikh il dit ولننقل شيئا من النصوص التي قرر فيها الأئمة تفاوت أنواع الموالاة من حيث الحكم الشرعي عليها. Donc le cheikh il dit maintenant, pour donner des exemples qui sont plus reliés par, parce que là c'est l'explication générale, le principe général qu'on vient de mentionner, que on peut dire que la foi c'est comme un arbre et la mécréance aussi c'est comme un arbre, hein, avec des branches et une base, hein, et que le fait que par exemple quelqu'un ait des branches de la mécréance, dans le sens qu'il fait quelques péchés, hein, ça ne veut pas dire que il perd complètement la foi, hein, et ainsi de suite. Puis il y a toutes sortes de clarifications comme qu'est-ce qu'on vient d'expliquer qui est très détaillé. Et parfois, ça peut sembler peut-être un peu compliqué parce que c'est un peu technique, l'explication, mais à force de le réécouter plusieurs fois, ça devient plus clair. Lorsqu'on est habitué de l'entendre, ça devient plus clair et ça se clarifie. Donc, maintenant, on va passer à des citations des ulama et des imams de l'islam qui ont mentionné les différents degrés qui existent et les différentes catégories de mu'alat par rapport à leur verdict dans la sharia. Donc, il commence avec une citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Il dit, « قال Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah في مجموع الفتاوى فمن كان من الأمة مواليا للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوها مثل إتيانه أهل الباطل واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك. Donc, c'est une citation tirée de Majmu' al-Fatawa, le volume 28 à la page 201. Cheikh al-Islam, il dit, celui parmi les gens de la Ummah qui se rapproche des kuffars et les aime, et se rapproche d'eux, il prend pour allié les kuffars parmi les mushrikines, il y a parmi les gens du livre, il se rapproche d'eux avec certaines formes de mu'alat, ou des choses de ce genre, comme par exemple le fait d'aller vers les gens de la fausseté et de les suivre dans quelque chose de leurs paroles ou de leurs actions qui sont fausses. Eh bien, il a, à cause de ça, du blâme et un châtiment et de l'hypocrisie selon ce qu'il a fait. Selon ce qu'il a fait, selon l'acte ou la parole qu'il a dite. Et on sait que les actions et les paroles, ça diffère dans son degré, selon la parole et selon l'action. Donc, selon la chose dans laquelle il les a suivies, le verdict va suivre. Il mentionne une autre parole de Ibn Atiyah dans Al-Muharrar al-Wajiz, عند قوله وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. On a lu ça au début du livre. C'est l'explication du verset 51 dans Surat Al-Ma'idah. Lorsque Ibn Atiyah, dans son livre Al-Muharrar al-Wajiz, volume 5 à la page 127, il explique le verset 51 qui dit « Et celui d'entre vous qui les prend pour allié, alors il est un des leurs. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. » Il explique, il dit le cheikh ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا إخلال بإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه. انتهى كلامه. Donc ici il mentionne, par l'explication, il dit celui qui les prend pour alliés dans leur croyance et dans leur religion, alors il est avec eux, c'est-à-dire il est comme eux, il est un des leurs dans la mécréance et dans le mérite de le châtiment et de rester éternellement dans l'enfer. Parce qu'il les a pris pour allier dans leur croyance et dans leur religion, c'est-à-dire dans leur fausse croyance et dans leur religion, dans leur coffre. Donc ils méritent le châtiment éternel à cause de ça. Tandis que s'il les a pris pour allier dans leurs actions, comme il les a supportés dans des choses qui sont moindres que la croyance et qui n'a pas diminué, il n'a pas toucher ou affecter sa foi, dans le sens qu'il n'a pas cru à leur mécréance ou cru à leur fausse religion, des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, il est avec eux, il est un des leurs dans la colère et dans le blâme qui va tomber sur eux et sur lui. Mais il ne va pas tomber dans la mécréance. Donc ça c'est la fin de la citation. Il n'est pas dans la mécréance puisqu'il n'a pas été d'accord avec eux dans leur coffre et dans leur religion. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في بيان أنواع الموالاة قال إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام فإذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاصم آثم معترض للوعيد وإن كان موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليه من التعزير والهجر من التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يجزر أمثاله وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم ومن أحب قوما حشر معهم انتهى كلامه دونك شيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب c'est le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il explique ici qu'il y a des catégories de mu'alat. Dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 8, à la page 159, il dit « Si la mu'alat en question, elle est dans le fait d'être avec eux dans leur demeure, dans la demeure des mushrikins et des kuffars, et de sortir avec eux dans le combat, et ainsi de suite, alors dans ce cas-là, on va juger de cette personne-là qu'elle est dans le couple, hein, qu'elle est dans le couple. Mais si la personne en question, elle fait une mu'alat envers eux, alors qu'elle est dans les pays de l'islam, hein, si il a une forme de mu'alat envers les kuffars, alors qu'elle est dans les pays de l'islam, lorsque les mushrikines viennent vers eux, et ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, il est pécheur, hein, il a commis un péché, et il est sous la menace, hein, il est sous la menace. Mais si, et si il les a pris pour alliés à cause de leur religion, dans ce cas-là, il est obligatoire. S'il les a pris pour alliés pour leur dunya, hein, pour les choses de la vie d'ici-bas et non pas pour la religion, alors il faut qu'ils soient punis et qu'ils soient boycottés, hein, et il faut qu'ils soient éduqués, et ainsi de suite. Donc on doit punir ce genre de personnes qui agissent comme ça, qui aiment les mushrikines, les kuffars pour leur dunya, pour des choses de la dunya. Mais si il les a pris pour alliés par rapport à leur religion, alors il est comme eux dans ce cas-là. Hein? Et celui qui aime un peuple sera ressuscité avec eux. Aïna'am. Aïna'am. Donc le cheikh, il explique ensuite, il dit « وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات انتهى كلامه Donc le Cheikh Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, un autre parmi les petits-fils du Cheikh, petit-petit-fils yani, du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit dans Durar al-Saniya, le volume 8, à la page 342, que parmi les choses qu'on appelle mu'alat, hein, le fait de prendre pour allié ou d'aimer, hein, de supporter ou des choses comme ça, le cheikh dit que parmi ces choses qu'on appelle mu'alat, il y en a qui sont à différentes branches, des branches à différents degrés. Il y en a des branches de mu'alat à différents degrés, ils ne sont pas tous au même degré. Parmi elles, c'est-à-dire parmi ces branches, il y en a qui impliquent et qui obligent l'apostasie et le fait de faire enlever l'islam en entier. Donc, parmi les formes de mu'alat, il y en a qui impliquent le fait de perdre l'islam et de faire enlever l'islam de quelqu'un en entier et qu'il devienne un apostat. Et il y en a d'autres qui sont moindres que celles-ci, hein, qui sont moindres que celles-ci, et qui font partie des grands péchés et des choses interdites, hein, mais qui ne font pas partie de ce qui fait sortir de l'islam. Donc ça, c'est un point qui est clarifié encore une fois. Qala, donc, il dit ensuite, wa qala rahimahullah, raddan ala al-mukaffir bi kulli muwalatin في الضرر السنية قال وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة ودون ذلك مراتب متعددة ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره وإنما أشكل الأمر وخفيت المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن ولهذا قال الحسن رضي الله عنه من العجمة أتوا يعني وقال أبو عمرو ابن العلا وابن العلا لعمر بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار واحتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود فقال له ابن العلاء من العجمة أتيت هذا وعيد لا وعد وأنشد قول الشاعر قال بعض الأئمة فيما نقل البخاري وغيره إن من سعادة العجمي والعربي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة وإن من شقاوتهما أن يمتحن وييسر لصاحب هوى وبدعة انتهى كلامه. Donc le cheikh ici il explique, le cheikh Abdel Latif Ibn Abdel Wahhab, il explique la réfutation qu'il a faite à propos de certains qui déclaraient mécréants les gens pour n'importe quelle forme de mu'alat sans distinction. Donc il l'a réfuté en expliquant dans Ad-Durar al-Sani, le volume 1 à la page 474, que la base de Al-Mu'alat, à la base, sa signification dans la langue arabe, c'est l'amour, la défense et l'amitié, la proximité. Et qu'il y a en dessous de ça différents degrés. Et que pour chacun de ces degrés-là, il y a un péché et il y a une portion de menace et de blâme qui s'y relie. Et il dit que ça, c'est chez les salafs, qui étaient fermement enracinés dans la science parmi les sahaba et les tabi'in, c'était une chose connue. Dans cette question-là, la question de Al-Mu'alat, et dans les autres questions également de la religion. Mais ces choses-là ont uniquement échappé et ont causé des problèmes yani, dans leur signification à ceux qui, parmi les non-arabes, sont venus par la suite, yani, parmi les gens qui sont apparus par la suite, parmi les non-arabes, et qui n'avaient aucune connaissance ou compréhension il y a une de ces questions-là qui n'avaient pas une pratique claire de la de travailler avec les textes du Coran et de la Sunna et de les comprendre correctement et c'est pour ça que Al-Hassan a dit Al-Hassan al-Basri radiyallahu anhu il a dit min al-ujmati ataw c'est-à-dire que c'est leur le fait qu'ils ne connaissaient pas correctement la langue arabe, c'est ce qui les a fait tomber dans beaucoup d'erreurs dans la Aqida. Le fait qu'ils n'étaient pas arabes, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas la langue arabe correctement, l'arabe classique. Il dit que Abu Amr ibn al-Ala, il a dit à Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd, c'était une des têtes parmi les Mu'tazila, parmi les gens de l'égarement, parmi les sectes. Hein? Donc, Abu Amr ibn al-Ala, il a dit à Amr ibn Ubayd, Amr ibn Ubayd, le Mu'tazili, lorsqu'il a discuté avec lui sur la question des gens qui vont être en enfer, et que Amr ibn Ubayd, lui, il disait que celui qui fait un grand péché, il sera éternellement en enfer, eh bien, le Mu'tazili, le Mu'tazili Amr ibn Ubayd, il a utilisé comme argument, yani, que quelqu'un, il va être éternellement en enfer parce que c'est une promesse d'Allah. Et Allah ne manque jamais à sa promesse. Et il voulait dire par là que dans le Coran, il y a certaines menaces qui sont faites pour certains grands péchés. Hein, et certains péchés que, yani, ils vont être dans l'enfer, ou bien qu'ils vont durer longuement en enfer. Donc, lui, il a compris de ça que c'était une promesse d'Allah. Et yani, Ibn al-Ala lui a répondu et lui a dit min al-ujmati utita. Min al-ujmati utita. C'est-à-dire que c'est à cause de du fait que tu connais pas l'arabe que tu t'es fait prendre dans cette erreur-là et que tu es tombé dans cette erreur-là. C'est-à-dire que tu n'as pas compris l'arabe comme il faut. Il a dit, ça, ce n'est pas une promesse, c'est une menace. Et il y a une différence entre une promesse et une menace. Hein? Donc, et il a mentionné un poème, hein, un poème pour expliquer et montrer la différence entre la promesse et la menace. La promesse, c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais, hein, manquer à sa promesse, puisqu'il le dit. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans les versets dans le Coran, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il manque jamais à sa promesse. Wa'da Allah la yukhlifullahu wa'da. Mais la menace, c'est pas une promesse, c'est pas la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est possible qu'il accomplisse sa menace, mais c'est possible également qu'il fasse miséricorde dans certains cas. Puis, on a mentionné tout à l'heure, au tout début du cours, des exemples, des choses pour lesquelles quelqu'un pourrait être exempté de l'application de certaines menaces. On a mentionné des cas. On a mentionné des cas qui font que quelqu'un peut être exempté. Donc, ça, c'est un exemple. Après, il a dit, et certains des imams, le cheikh, il dit, et certains des imams, ont mentionné, d'après ce qui est rapporté par Al-Bukhari et d'autres, hein, et ça c'est une parole qui est célèbre chez les salafs, un des bonheurs pour le non-arabe, ou bien l'arabe lorsqu'il devient musulman, hein, lorsqu'il entre dans l'islam, c'est qu'il rencontre quelqu'un qui est sur la sunna. Hein, ça c'est un bonheur pour la personne qui se convertit à l'islam, parmi les non-arabes ou parmi les arabes, c'est qu'il ait le succès ou qu'il ait l'opportunité de rencontrer un individu qui s'accroche à la sunna. Et de leur malheur, hein, et qu'est-ce qui fait partie de leur malheur, c'est qu'ils soient éprouvés et facilités vers une personne de la passion, qui suit la passion ou qui suit l'innovation. Hein, donc ça c'est la fin de la citation. Donc c'est ça les paroles, une parole célèbre des salafs, qui dit que, donc, si une des bonnes choses ou une des grandes grâces pour quelqu'un qui accepte l'islam parmi les non-arabes, c'est qu'il puisse rencontrer un individu qui s'accroche à la sunna. Hein, et donc, à cause de ça, il reste, hein, il apprend sa religion avec quelqu'un qui est sur la sunna, et donc, yani, il reste fermement accroché sur la sunna, il suit le droit chemin. Tandis que s'il tombe sur un innovateur ou quelqu'un qui est sur la passion, eh bien, il risque de commencer avec des bases qui sont erronées, et puis par la suite c'est difficile. Donc, le cheikh il dit, wa qala Abdurrahman al-Sa'di, qala al-Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, fi tafsirihi, fi tafsiri qawlihi ta'ala, ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون قال وذلك الظلم يكون بحسب التولي فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه انتهى كلامه. Donc le cheikh explique ici, il dit dans sourate al-mumtahana le verset 9, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, et quiconque les prend pour alliés, alors ceux-là sont les injustes, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Donc dans son tafsir, le cheikh al-Sa'di il dit, cette injustice dont on parle ici, lorsque Allah dit, alors ceux-là sont des injustes, cette injustice dont on parle, eh bien, elle diffère selon la sorte de tawalli. Si c'est une forme de tawalli, une forme de prendre pour allier les kuffars, qui est de façon complète, eh bien, dans ce cas-là, c'est un kuffre qui fait sortir de l'islam, qui fait sortir du cercle de l'islam. Parce qu'on sait que le zulm, l'injustice, il peut être une forme de zulm majeur, comme ça peut être une forme de zulm mineur. Si c'est une forme de zulm majeur, comme le shirk akbar, ou le kufr akbar, donc ça c'est des formes d'injustice majeures qui font, ça fait sortir de l'islam. Et si c'est, donc le cheikh il dit, et en dessous de ça, il dit, en dessous de ça, il y a des degrés qui sont sévères et d'autres qui sont moindres. Donc il y a des degrés. C'est pas toutes les formes de tawalli, toutes les formes de mu'alat qui sont au même degré. Il y en a des degrés qui font sortir de l'islam, il y en a d'autres qui sont en dessous de ça. Ensuite il dit, wa qala al-sheikh الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير والموالاة تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط وتعتورها أحوال وتتبعها أحكام وقد استخلصت من ذلك ثمانية أحوال الحالة الأولى أن يتخذ المسلم جماعة الكفر أو طائفته أولياء له في باطن أمره ميلا إلى كفرهم ونواء لأهل الإيمان لأهل الإسلام وهذه الحالة كفر وهي حال المنافقين. Donc ça c'est très important, c'est très intéressant. Le cheikh il explique la parole de Al-Tahir ibn Ashur dans son livre Tahrir wa Tanwir, le volume 3 à la page 217. Il dit que la mu'alat, elle peut être par quelque chose qui est apparent et caché, et elle peut être également par quelque chose qui est apparent seulement. C'est-à-dire quelque chose d'extérieur et d'intérieur, ou quelque chose d'extérieur seulement, et que elle peut être, donc chacun elle va être rattaché ou géré par des règles et des états particulières qui s'y rattachent, et elles peuvent être résumées en 8 états. Donc il commence en mentionnant la première étape. Il dit que le musulman prenne un groupe de kufr, un groupe de mécréance, ou un groupe, un groupe ou une partie parmi les gens de mécréance, comme allié. À l'intérieur, en lui-même, c'est-à-dire à l'intérieur, dans son intérieur. Il les prend pour allié dans son cœur. Et il penche vers leur kuf. Hein? C'est-à-dire qu'il a un penchant vers leur kuf, vers leur mécréance. Hein? Et dans son, il a de l'animosité envers les gens de l'islam. Il dit cette catégorie-là, ou cet état-là, c'est de la mécréance. Et c'est l'état des munafiqis. Parce qu'il le, il l'a dans son cœur. Hein? Mais ce n'est pas en apparence. La deuxième exemple, l'état, الحالة الثانية, الركون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة ومحبة دون الميل إلى دينهم في وقت يكون فيه الكفار متجاهرين بعداوة المسلمين والاستهزاء بهم وأذاهم كما كان معظم أحوال الكفار عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن مودة المسلمين وهذه حالة لا توجب كفر لا توجب كفر صاحبها إلا أن ارتكابها إثم عظيم لأن صاحبها يشك أن يواليه أن يواليهم على مضرة الإسلام على أنه من الواجب إظهار الحمية للإسلام والغيرة انتهى كلامه. Donc la deuxième situation, la deuxième état, c'est le fait que quelqu'un se penche vers un groupe d'entre les gens du coffre et qu'il les aide. Ou qu'il les supporte à cause d'un lien de parenté qu'il a avec eux, ou bien à cause d'un amour qu'il a, sans toutefois pencher vers leur religion, hein, et que ça, c'est dans, ça se passe dans un moment où les koufars expriment ouvertement leur animosité contre les musulmans et se moquent d'eux et leur font du tort, comme c'est le cas de la plupart des koufars lorsque l'islam est apparent. Donc il dit sans toutefois couper son amour pour les musulmans. Dans ce cas-là, la mécréance de cette personne-là n'est pas nécessaire. Hein, ça veut pas dire que cette personne, dans ce cas-là, elle est mécréante. Même si la personne a commis un grand péché. Et que, parce que cette personne, c'est possible que il les supporte et il les aide à faire du tort à l'islam en agissant comme ça. Hein? Parce que l'obligation, c'est de montrer son amour et sa jalousie pour l'islam. Ça, c'est la fin de la situation. Donc, c'est pour dire que si quelqu'un est dans cette situation-là, et dans ce cas-là, hein, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Il n'est pas mécréant dans ce cas-là, mais il a commis un grand péché. Ensuite, il dit « وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيرِ وَالتَّنْوِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ يقول وقد اتفق علماء السنة على أن ما دون الرضا بالكفر وممالاتهم عليه من الولاية لا يوجب الخروج من رقبة الإسلام من الرقبة الإسلامية ولكنه طلال عظيم وهو مراتب في القوة بحسب قوة الموالاة. Donc le cheikh il explique que le cheikh Tahir ibn Ashur il dit dans son livre At-Tahrir wa At-Tanwir le volume 4 à la page 230 lorsqu'il explique le verset 51 dans sourate Al-Ma'ida, et ceux d'entre vous qui les prend pour alliés alors il est un des leurs, il dit. Et les savants sont d'accord hein, les savants de la Sunna sont d'accord que si la forme de mu'alat est moindre que le fait d'être satisfait de la mécréance, c'est-à-dire que ça, c'est pas arrivé au degré d'être satisfait de la mécréance, ou de se pencher vers leur mécréance, dans ce cas-là, c'est une wilaya qui n'implique pas que la personne soit sortie complètement, du lien avec, qu'il a avec l'islam. Mais, par contre, c'est une forme d'égarement énorme. Hein, c'est un égarement énorme. Et, c'est quelque, donc le cheikh dit, c'est, il y a plusieurs degrés sur cette question-là, selon yani la force et selon yani la yani c'est ça, il y a différents degrés de force par rapport à ça selon le degré de mu'alat. Fin de la citation. Et le cheikh il termine avec une parole de Cheikh Al-Fawzan dans son explication de Nawaqid al-Islam à la page 168. Le cheikh il dit wa qad qassama shaykhuna al-Sheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Hein? Il dit وَقَدْ قَسَّمَا الشَّيْخ صَالِحْ إِبْنْ فَوْزَانِ الْفَوْزَانِ مُوَالَاتَ الْكُفَّارِ فِي شَرْحِ نَوَاقِدَ الْإِسْلَامِ إِلَى مَا هُوَ كُفْرٌ يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ. Donc le cheikh il dit que notre cheikh, le cheikh صالح ibn Fawzan al-Fawzan, il a divisé le fait de prendre les kuffars pour alliés dans son livre ou dans son charh de Nawaqid al-Islam, la page 168. Il l'a divisé en ce qui est kuffre et qui fait sortir de la religion et ce qui n'est pas kuffre et qui ne fait pas sortir de la religion, et on va le mentionner bien plus tard. Donc il dit par la suite, donc là on a fini l'introduction, et il explique qu'on va diviser les différentes formes de mu'alat en trois catégories. La forme qui est kufr, la forme qui est fisq, et la forme qui est excusée ou pardonnée. Et donc, on va parler de ça dans les prochains cours, inshallah. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.